la nuit qu'a tombé en pays-moi. Décor là qu'a changé, moi je serai retard. Beauté la journée paix, pas mal balé. Beauté la nuit laïque installé. Tout ça gravé en désir, dodo moi. L'élan m'a caressé, copé moi. Les sérins baptisés pleines, l'en menteur. L'eau sale et pas envie, douce et la pluie. Les yots décident quoi, yots mélanger. Et tout ça serré encore, dodo moi. Soleil, l'en mer. Les vents qu'a déchiré, quand paye-moi. Les mal finis crèvent ciel, paye-moi. La rivière débordée, canal, tiens-moi. Et de l'eau qu'a inondé, des yeux tête-moi. Considérez doudou-moi, quittez-moi. Soleil.